que les personnes connaissent Jésus, on a besoin de communiquer avec eux. And I showed you some of the statistics of how much humans communicate. Et donc je vais montrer des statistiques au sujet de la communication chez les gens. We communicate a lot. On communique énormément. And what do we share? We share pictures of ourselves. Et qu'est-ce qu'on partage? On partage des photos de nous. We say I love you. On dit je t'aime. We say when will you be home? On dit quand est-ce que tu rentres à la maison? That is the second most common message sent, is when will you be home? C'est le deuxième plus gros message qui est envoyé, le plus fréquent. Quand est-ce que tu rentres à la maison? And the third most common question is where are you? Et la troisième question la plus demandée, c'est où es-tu? And what we learned last week. Et ce que nous avons appris la semaine dernière, that God wants a relationship with you, c'est que Dieu veut une relation avec nous. That the church is for everybody, et que l'église est pour tout le monde. That we are all equal in the church, que nous sommes tous égaux dans l'église. Men and women, hommes, femmes, old and young, adultes, jeunes. God has a plan for all of you, Dieu a un plan pour chacun de nous. And he uses primarily his Bible to communicate with you. Et il utilise premièrement sa Bible pour communiquer avec nous. And the most common text messages we get is I love you. When will you be home? Where are you? Et donc les messages que nous recevons le plus souvent, c'est je t'aime, quand rentres-tu à la maison et où es-tu? And God's message is I love you. Et le message de Dieu, c'est je t'aime. Where are you? Où es-tu? When will you be home? Et quand rentres-tu à la maison? God wants you home. Et Dieu veut que vous reveniez à la maison. And he's done everything he can for you to come home. Et il fait tout ce qu'il peut pour que vous puissiez revenir à la maison. And we have so many ways in our world to communicate that. Et nous avons tellement de différentes façons dans notre monde pour communiquer cela. Now, we have phones now to communicate, but thousands of years ago, they used stone tablets. Donc aujourd'hui, nous avons des téléphones pour communiquer, mais il y a plusieurs milliers d'années, ils utilisaient des tables en pierre. Just if I can explain to my children, they didn't use this when I was young. Okay? Donc, que je précise à mes enfants, nous on n'utilisait pas ça quand on était jeunes. Does anybody know what this text is? Let's see. What language is this? Est-ce que quelqu'un sait quelle est cette langue? Dakota Hammurabi? Ah, no, not bad. Good effort. Sumerian? Is it Hebrew? It's not Hebrew. Sumerian? No. It's a little known text. It's called cuneiform text. C'est un texte qui s'appelle le cuneiform. And this is a tablet that was written 4,000 years ago. Donc c'est une tablette qui a été trouvée il y a 4000 ans. It was discovered in the city of Ur, U-R. Découvert dans la ville de Ur. Yes. And do you know what this text is? Est-ce que vous savez quel est ce texte? This text is the first recorded customer complaint. Ce texte, c'est la première trace écrite d'une plainte d'un SAV, service après-vente. This is a tablet that was written. Donc ça, c'est une tablette qui a été écrite. Because there was a merchant living in the city of Ur. Parce qu'il y avait un marchand qui habitait dans la ville de Ur. Who sent a servant to go and buy copper. Donc il a envoyé un de ses servants pour acheter quoi? Copper. Cuivre. Yes, to buy copper. And his servant came back, and the quality of the copper was not very good. Et donc son serviteur est revenu, mais la qualité du cuivre n'était pas bonne. And the way the salesman treated the servant was not very good. Et le fournisseur, la façon dont le fournisseur a traité le servant n'était vraiment pas bonne. And so he did what every good Frenchman, every good human would do, is he complained. Donc il a fait ce que tout être humain fait. Yes, very good. Thank you for saving me. Thank you. He did what every good human would do. He complained. Il s'est plaint. He said, "This is not good enough." Ah, ça c'est pas bon. C'est pas assez bien. And so he tapped out the Donc, tablet. Il a écrit la tablette. And he sent his servant on foot to walk there. It took 3 days to get there. Et donc il a envoyé son serviteur marcher pendant 3 jours pour aller livrer le message. He said, "I'm not happy with this quality service that you gave me." Je suis pas content de ce service que tu m'as donné. The way humans communicate has not changed over thousands and thousands of years. Et donc la façon de communiquer des êtres humains n'a pas changé depuis des milliers d'années. That's incorrect. The way we communicate has changed. La façon de communiquer a changé. What we communicate hasn't changed. Mais ce que nous communiquons n'a pas changé. We've just discovered clever ways to do it. On a juste trouvé des façons un peu plus intelligentes de le faire. Now, sadly, malheureusement, Often we see the Bible as a text of complaints. Souvent, on voit la Bible comme un texte avec plein de plaintes. We feel that it's God saying you are not good enough. On pense que c'est Dieu qui nous dit ah mais t'es pas assez bon. Why did you do this? Pourquoi tu as fait ça? Why did you do that? Pourquoi tu as fait ça comme ça? I'm not happy with you. Je suis pas content avec toi. And sometimes we can see the letters of Paul and we think that they are letters of complaints. Et parfois, lorsqu'on lit les lettres de Paul, on pense que ce sont des lettres de plainte. But I want to tell you that that is not the objective of the Bible. Mais je veux vous préciser que c'est pas du tout l'objectif de la Bible. It's not the objective that Paul has when he's writing these letters. C'est pas l'objectif de Paul quand il a écrit ces lettres. And it's not my objective when I stand up here and preach. Et c'est pas du tout mon objectif lorsque je me tiens de vous et que je prêche. We are not here to complain and to say you are not good enough. On n'est pas ici pour se plaindre en disant mais toi t'es pas assez bon. When Paul was writing this letter, quand Paul a écrit cette lettre, he was writing to the believers in Philippi. Il écrivait aux croyants de Philippe. He says, I'm proud of you. Et en leur disant mais je suis fier de vous. You are doing well. Vous faites bien. Keep going. Continuez comme ça. You are great. Vous êtes super. But there are just these small ways that you can improve. Mais il y a encore un petit moyen, une façon que vous pouvez encore faire mieux. I am convinced that this group of people is an incredible group of people. Je suis convaincu que votre groupe de personnes, c'est un super groupe. These people that I see in front of me, you are amazing. Donc c'est des gens qui l'avaient en face d'eux, ils disaient vous êtes super. If you're a visitor, I don't know. I mean, si vous êtes visiteur, je sais pas. I hope. But those of you that I know, I want to say to you, well done. Mais tous ceux que je vois là ce matin et que je connais, je vais vous dire, bien joué. You're doing a good job. Vous faites bien. This is a great church. C'est une super église. This is a generous church. C'est une église généreuse. This is a kind church. C'est une église gentille. This is a sacrificial church. C'est une église qui porte des sacrifices. This is a church that serves each other and serves the community. C'est une église qui sert les uns les autres, qui sert la communauté. You are evangelical. Vous portez l'évangile. You are authentic. Vous êtes authentique. You are hospitable. Vous êtes plein d'hospitalité. And I want to say well done. Et je vais vous dire bien joué, bon travail. It is a privilege to be considered part of the leadership of this church. Et c'est un privilège d'être en leadership de cette église. Continue. Continuez. Keep going. Continuez, allez-y. But there are some things that we can do better. Mais il y a encore quelque chose qu'on peut faire encore mieux. And that's what we're going to be sharing today. Et c'est ce qu'on va partager ce matin. We're going to continue through Philippians. On va continuer à étudier le livre des Philippiens. We're going to read verse 1 and 2, which is what we read last week. On va lire les versets 1 et 2, c'est ce qu'on a déjà lu la semaine dernière. And then we'll continue reading verse 3 to 9 to 11 today. Et on va continuer avec le verset 3 jusqu'au verset 11 aujourd'hui. Okay, so Philippians 1 verse 1. Paul and Timothy, servants of Christ, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi with the overseers and deacons, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Then Paul continues, and in verse 3 he says, I thank my God in all of my remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Verset 3, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. À cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. So we discovered last week that Paul is writing this letter from prison. Donc on a découvert la semaine dernière que Paul a écrit cette lettre depuis la prison, sa cellule de prison. And he's received financial help because he's actually in a terrible condition. Et donc il reçoit un soutien financier parce qu'il est vraiment dans une situation compliquée. And he's writing the letter to be sent back to these people in Philippi. Et donc il écrit ces lettres pour renvoyer à ce peuple dans la ville de Philippe. And he starts his letter by saying, I am full of joy. Et donc il commence cette lettre en disant, je suis rempli de joie. How? Mais comment? He's in prison. Il est en prison. He's been in prison for years. Il est en prison depuis des années. He has real financial need. Il a vraiment des besoins financiers réels. And he says, I'm writing you this letter with joy. Et il dit, je vous écris avec joie. Honestly, as a society, we need to stop and ask ourselves, how does he have joy? Et donc là, on doit vraiment s'arrêter et se poser la question, comment il peut ressentir la joie en ce moment? Because, honestly, we are a society that has problem with depression. Parce que nous sommes malheureusement dans une société qui a des problèmes au niveau de la dépression. We have everything we could need physically. Nous avons tout ce dont nous avons besoin physiquement. But how many people can say that they have joy? Mais combien de personnes peuvent dire qu'ils sont vraiment heureux? Here are the statistics of the percentage of people in Europe who take antidepressants. Et donc là, nous avons les statistiques de la consommation d'antidépresseurs en Europe selon les pays. These are people who take antidepressants every day. Et ça, ce sont les gens qui prennent des antidépresseurs de façon quotidienne, tous les jours. So, the yellow is 2015. Donc en jaune, c'est pour l'année 2015. And the orange is 2020. En orange, c'est pour l'année 2020. If you look at it, these are some of the richest, wealthiest, most successful nations in the world. Et donc là, alors c'est pas Europe, c'est au monde. Yes, right. Ça fait partie des pays les plus riches au monde. Look how many people are taking antidepressants every day. Et donc regardez combien de personnes prennent des antidépresseurs tous les jours. And they say that they think the statistics for this year will be 25% higher than this. Et là, les prévisions statistiques pour cette année, ils pensent que ça sera 25% en plus. COVID did something to all of us. Donc la phase COVID a vraiment impacté, nous a tous impacté. The fact that we were stuck at home. Le fait que nous soyons enfermés à la maison. The challenges with the economy. Tous les défis liés à l'économie. Does it sound like Paul? Est-ce que ça ressemble un peu à ce que Paul vit? Paul was stuck in a prison. Paul était enfermé en prison. He had financial troubles. Il avait des problèmes financiers. But he could say he had joy. Mais il pouvait dire, eh ben, je suis heureux. The latest statistics for France are the following. Et donc les statistiques pour la France sont les suivantes. Is that 21% of French people have taken antidepressants this year? 21% des personnes ont déjà pris antidépresseurs cette année. In France. En France. 21%. 21%. Paul was in prison and he could be joyful. Et Paul, lui, il était en prison et il était heureux. How? Comment ça se fait? You need to ask yourself how. What did he do that made him joyful? Et vous devez également vous poser la question vous-même. Mais comment a fait Paul pour rester dans la joie? Because we need joy in our lives. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de cette joie. And our society needs joy. Et notre société a besoin de cette joie. So what was bringing him so much joy? Et donc, qu'est-ce qui lui a apporté tellement de joie? I feel like a salesman. I'm like building it up, going, I'm going, it's coming, it's coming. C'est comme un commercial qui. He says, I am joyful because of the partnership that I have with you. Et donc, il dit, je suis heureux, je suis plein de joie à cause du partenariat, parce que je suis en partenariat avec vous. I share a partnership in the gospel with you, and that brings me joy. Et ensemble, nous sommes partenaires pour apporter l'évangile, et c'est ça qui nous apporte la joie. He has friendships with people, and that brings him joy. Donc, il a cette forme d'amitié avec les gens, et ça lui apporte la joie. What makes our society joyful today? Et qu'est-ce qui rend notre société heureuse aujourd'hui? Do you know 85% of America? Alors, aux États-Unis, 85%. Of people say that their life goal is the pursuit of happiness. Donc aux États-Unis, 85% des gens déclarent que leur but ultime, c'est la poursuite du bonheur. Their own happiness. De leur propre bonheur. Now we know it's in their constitution, and so that's what drives them. Donc on sait que c'est dans la constitution et ce qui les motive. And it's very easy to judge them. C'est très facile de les juger. But I wouldn't be surprised if the statistics in France are very similar. Mais je serais pas surpris si les statistiques en France sont pareilles. 85% say their primary goal in life is their pursuit of their personal happiness. Donc 85% des gens disent que leur poursuite, que leur but c'est de poursuivre le bonheur. And then there's another very interesting statistic. Et encore une autre statistique intéressante. 79% of Americans say that it is more money that will make them happy. 79% des Américains disent que plus d'argent les rendrait plus heureux. Now, I'm saying America because those are the easiest statistics to find. I love Americans. Never been to America, but yeah. J'aime les Américains, mais j'ai trouvé ces stats parce qu'elles sont plus faciles à trouver que les stats des autres pays. They are the richest nation in the history of the world. Donc ils font partie des nations la plus riches de toute l'histoire de ce monde. And 19% say that they are happy. Et donc combien? 19% seulement peuvent dire je suis heureux. We are not happy. Nous ne sommes pas heureux. We think more things are going to make us happy and bring us joy, but it doesn't. Nous pensons que plus de choses nous rendraient plus heureux, mais non en fait. So I told you, 85% of Americans say their primary goal in life is their personal happiness. Et donc je vous ai dit, 85% des Américains ont pour but la poursuite de leur bonheur. So a Christian organization tried to do the study with Christians in America to find out what their primary goal was. Et donc, une agence de stats américaine a voulu également faire ses recherches dans la communauté des chrétiens pour voir quel était leur but. Do you know what percentage of Christians in America said that their primary goal is their personal happiness? Et vous savez combien, quel est le pourcentage de chrétiens qui disent aussi que leur but c'est la poursuite du bonheur? 85%. 85%. It's no different to people who are not Christians. Et donc, il n'y a aucune différence avec les gens qui ne sont pas croyants. For me, that's a problem. Et pour moi, il y a un réel souci. We are supposed to be different. On est supposé être différent. But we think that our joy is found in what will bring joy to everybody else. Et donc, on pense que ce qui va nous apporter la joie, c'est la même chose que ce qui va apporter la joie à n'importe qui. If you think of your life right now, et si vous pensez à votre vie aujourd'hui, what do you think will make you happier? Qu'est-ce que vous pensez qui va vous rendre plus heureux? If you say Jesus, you're lying. 85% of you are lying. You want to tell them that they're lying. You must tell them they're lying. 85%. Si vous dites Jésus, c'est des menteurs. What do you think will make you happy? Qu'est-ce que vous pensez qui vous rendra heureux? A better job. Un meilleur travail. A nicer house. Une plus belle maison. More holiday. Plus de vacances. Another holiday. Encore des vacances. A nicer holiday. Des vacances encore meilleures. Nicer children. Des enfants plus gentils. Better behaved children. Des enfants qui se comportent mieux. Fewer children. Moins d'enfants. More children. Plus d'enfants. A different wife. No? Une différente femme. A different husband. Un mari différent. Enfin, un autre mari. To have a wife. Sorry, Ben. Benny, to have a wife. D'avoir une épouse. I told you, you should have come to sit here. What is your primary goal in life? Quel est votre but? What will make you happy? Dans votre vie, qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? We have this false idea. Nous avons cette fausse idée. That feelings are happiness. Que les or feelings is happiness. That's que les sentiments sont le bonheur. Feelings is not happiness. Les sentiments ne sont pas le bonheur. Feelings is the evidence of happiness. Les sentiments, ce qu'on ressent, c'est l'évidence qu'il y a de la joie. It's like I go into the kitchen and I can smell roast lamb and roast chestnuts. Donc c'est comme si j'allais dans la cuisine et puis je sentais l'odeur du rôti et des châtaignes rôties. And I say, oh, that's Christmas. Et je dis, oh, c'est Noël, ça sent Noël. No, that's not Christmas. Non, c'est pas Noël. Those are the feelings of Christmas. C'est un sentiment quand on est à Noël. When we wake up in the morning and we smell that coffee, oh, it's amazing. Quand on se réveille le matin, on sent ce café, on dit, oh, c'est formidable. That's not the coffee. C'est pas le café. That's the feeling of coffee. C'est le ressenti du café. And we get these things confused. Et donc c'est un peu confus tout ça. Just smelling coffee is not the same as drinking coffee. Sentir le café, c'est pas du tout pareil que boire du café. The feeling of happiness is not the same as real joy. Le ressenti de la joie, c'est pas du tout la même chose que la joie réelle. And Paul finds joy in partnership with other people. Et Paul trouve sa joie dans le fait d'être en partenariat avec les autres personnes, les autres croyants. What does that mean? What is partnership? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être partenaire ensemble? Well, to be a partner means that it's two or more people. Donc être en partenariat, c'est ça veut dire que deux ou plus de personnes. They invest to create a business. Ils investissent ensemble pour créer un business. It means that they are prepared to make sacrifices for a shared vision. Ça veut dire qu'ils se préparent à faire des sacrifices pour une vision commune. So that they can have a shared benefit or a shared failure. Afin qu'ils puissent partager les bénéfices, mais aussi partager les échecs. What Paul is saying is that I have such joy with you. Et Paul dit, mais j'ai tellement une grande joie avec vous. Because we are not just friends. Parce qu'on n'est pas juste amis. We are not just colleagues. On n'est pas juste des collègues. We are in partnership. Nous sommes en partenariat. When I am doing well, you are doing well. Quand je fais bien, vous faites bien. When I am suffering, you are suffering. Quand je souffre, vous souffrez. And that brings Paul joy. Et ça apporte à Paul de la joie. Because he feels that he's not alone. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. The biggest study of happiness in the world that was done. Donc la plus grande étude statistique sur le bonheur qui a été réalisée dans le monde. You can find this online. Vous pouvez la trouver sur internet. It's called the Harvard Study of Well-being. Ça s'appelle The Harvard Study of Well-being. I haven't written it yet. Okay. L'étude de Harvard. Yes. Du bien-être. They've been doing the study for 80 years. Donc ils ont fait cette étude pendant 80 ans. It is the longest continuous study in the history of the world. C'est la plus longue étude longitudinale au monde. And they have identified one thing that leads to happiness. Ils ont identifié une chose qui mène au bonheur. They've studied hundreds, thousands of people from different races, colors, religions, languages, financial background. Donc ils ont étudié plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent d'ethnies, de langues, de cultures, de backgrounds différents. And they've said happiness comes from one thing. Et donc ils disent le bonheur vient d'une seule chose. Quality relationship. La qualité des relations. One thing alone. Une seule chose. Is a strong predictor that you will be happy. S'il y a quelque chose qui c'est hyper productif pour rendre heureux. It's a strong relationship. C'est des relations fortes. Not your education. Pas votre éducation. Not your holiday. Pas vos vacances. Not your Instagram. Pas votre Instagram. Not your TikTok. Pas votre TikTok. The thing that brought Paul joy that he knew 2000 years ago. Et donc il y a 2000 ans, ce qui a apporté à Paul de la joie. Humans are only beginning to realize now through science. Donc et ça c'est ce que les gens réalisent que maintenant à travers la science. Is human relationship. Ce sont les relations humaines. What I found so beautiful about Paul and his letters. Et donc ce que je trouve beau à propos de Paul et ses lettres. Is that he barely thanks God for things. C'est qu'il remercie à peine Dieu pour les choses. Most of the time in his letters, he thanks God for people. La plupart du temps dans ses lettres, il remercie Dieu pour les gens. What are you thankful for? Et de quoi êtes-vous reconnaissant? How often do you say thank you to people? À quel point vous dites merci et vous êtes reconnaissant pour les gens? How much do you have an attitude of gratitude? Et à quel point vous avez à quel point vous avez une attitude pour la gratitude? Now it's easy to say yes, but I don't have enough relationships. People must love me and people must care for me. That's why I'm not joyful. Oui, mais vous pouvez dire ben voilà, j'ai pas assez de gens autour de moi, on me soutient pas assez, les gens m'aiment pas. C'est difficile d'être reconnaissant. If you want a friend, be a friend. Si vous voulez des amis, soyez vous-même un ami. If you don't have relational connections, go and find a relational connection. Si vous n'avez pas assez de connexions, allez trouver vous-même des connexions. Don't ask the question, why is no one supporting me? Et ne vous posez pas la question, pourquoi personne ne me soutient? Say, who can I support? Mais demandez-vous, mais qui je peux soutenir? Paul is full of joy because how the church is working together. Et donc Paul est plein de joie grâce à la façon dont l'église travaille ensemble. And they've been working together towards a greater vision. Et ils œuvrent ensemble pour une vision encore plus grande. And that vision is the gospel. Et cette vision, c'est l'évangile. The church in Philippi was partnering with Paul in the gospel. Et donc l'église de Philippe était en partenariat avec Paul pour l'annonce de l'évangile. Are you in partnership with God for the gospel? Est-ce que vous êtes partenaire avec Dieu pour annoncer l'évangile? God wants to partner with you in the gospel. Dieu veut être partenaire avec vous pour l'évangile. God has a plan for you. Dieu a un plan pour vous. Even if today is your first time ever in church. Et même si aujourd'hui c'est la première fois que vous êtes dans une église. Even if you're skeptical of God. Même si vous êtes sceptique au sujet de Dieu. I'm so happy that you're here if you're a skeptic. Je suis super content que vous soyez là, même en étant sceptique. And if you have questions, please come with your questions. Et si vous avez des questions, venez avec vos questions. Don't shout them now, we can talk afterwards. Ne les criez pas maintenant, mais on va en parler après. But God has a plan for you and he wants to partner with you. Mais Dieu a un plan pour vous et il veut être en partenariat avec and vous. And there's so many things that you can do to partner with God right now. Et il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour être en partenariat avec Dieu. Get involved in a home group. Soyez impliqué dans votre groupe de maison. Serve in the church. Servez dans l'église. Be part of the welcome team. Faites partie de l'équipe qui accueille. Yes. help serve with interpreting. Vous pouvez aussi interpréter with the kids, avec les enfants, with worship, avec, à la louange, with prayer, en priant, with hospitality, en accueillant les gens chez vous, en étant hospitalier, with the setup of the church, avec la mise en place de l'église. At the moment, there are only two of us, so if you want to be part of the team, en ce moment, nous avons que deux personnes pour mettre en place l'église. The remuneration is rubbish. It's zero. No, you don't get paid. But, la rémunération, c'est zéro. Discipleship. Être dans une attitude de discipulat. Who are you discipling? Qui êtes-vous en train de discipuler, d'amener à une vie de disciple? Who is discipling you? Et qui vous laissez vous discipliner? You have to have both. On doit avoir les deux. If you go to another city, si vous allez dans une autre ville, do you visit churches? Est-ce que vous allez visiter les églises? And you ask how you can be a blessing? Et vous pouvez vous demander comment vous pouvez être une bénédiction? This photo was taken almost exactly 1 year ago. Cette photo a été prise exactement il y a un an. There was a man who visited our church. Il y a un homme qui a visité notre église. That's him over there. C'est lui. His name was Jeff. Son nom c'est Jeff. He was in Montpellier for 1 month. Il est à Montpellier pour un mois. He arrived at our church. Il est arrivé à notre église. He was in France to learn French. Il était en France pour apprendre le français. And almost every one of these people, it was their first time in our church. Et la majorité des personnes, des jeunes, c'était la première fois dans l'église. And he said, et il a dit, I want to take you all for lunch. Je veux tous vous amener pour vous emmener dans un resto pour manger le repas. He took every one of these people for lunch. Et il a pris toutes ces personnes pour le repas. And he created a community. Et il a créé une communauté. Il a participé à créer la communauté. Almost every single one of these people became friends. De nombreuses personnes, presque tous, sont devenus amis. Him we're not so sure about. But they got integrated into the church. Mais ils ont été intégrés à l'église. And since then, almost every Sunday, the students of our church go for lunch. Et depuis ce moment-là, depuis ce jour, presque tous les dimanches, ces jeunes et ces étudiants vont manger ensemble après l'église. And it's thanks to this guy. Et c'est grâce à ce monsieur. He was a visitor in our church. Qui était un visiteur dans notre église. He was literally here for 3 Sundays. Qui était là juste pour 3 dimanches. He changed a culture in our church. Il a complètement transformé une culture dans notre église. Why? Pourquoi? Because he visited a city. Parce qu'il a visité cette ville. And he said, I want to be a blessing. Et il a dit, je veux être une bénédiction. I'm not just here to take. Je suis pas là pour prendre, recevoir. I'm here to give. Je suis ici pour donner. To be a blessing. Pour être une bénédiction. We can all do that. Et on peut tous le faire. Who wants to take me for lunch today? Stay home. If you're really generous, my wife can come with as well. Si vous êtes vraiment généreux, on peut aussi prendre ma femme avec. Everywhere we go, we must be seeking an opportunity to be a blessing. Peu importe où nous allons, nous pouvons voir une opportunité de bénir. And it will be a joy to us. Et ça sera aussi une joie pour nous. The Bible shows it. La Bible dit, il l'a choisi. Science shows us. La Bible le prouve. Yes. La science le prouve. We will have joy by being in partnership with other people in the gospel. Nous aurons de la joie en étant partenaire avec Dieu pour apporter l'évangile. And so Paul continues and he says this, and I'm sure of this. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Et Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. We're going to address this more as we continue the book of Philippians. Donc on va voir cela plus profondément alors qu'on va continuer à étudier le livre des Philippiens. But God begins a work in you and I. Dieu a commencé une œuvre en vous et moi. And maybe God hasn't started the work in your heart yet. Peut-être que Dieu n'a pas encore commencé cette œuvre dans votre cœur. Maybe you haven't surrendered to Him yet. Peut-être que vous n'êtes pas encore soumis à lui encore. God wants to start today. Et Dieu veut commencer ça aujourd'hui. God wants a relationship with you today. Dieu veut une relation personnelle avec He vous. Wants to start a good work in your heart. Il veut travailler une œuvre dans votre cœur. And He will bring it to completion. Et qu'il va emmener jusqu'à la fin. Because the reality is, parce que la réalité, c'est salvation and sanctification go together. Le salut et la sanctification vont ensemble. God starts the work in our hearts. Quand Dieu commence à œuvrer dans nos cœurs, He assists us to continue to live the Christian life until the day we die. Il nous soutient pour continuer cette vie de vie chrétienne jusqu'à ce que nous mourons. We'll speak about that more in the next sermons. Donc dans les prochains dimanches, nous parlerons plus de cela. So Paul continues in verse 7 and 8. He says this: It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart. Why? For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. Au verset 7, il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. It is so obvious how proud and happy these people make Paul. C'est tellement évident à quel point Paul est fier de ces personnes. It's like this church is his greatest achievement. C'est comme si cette église, c'est vraiment l'achèvement d'une œuvre. What is your greatest achievement? Quelle est votre plus belle réalisation? What? Thank you. What? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Attention. You're going to be the next. Tu vas être la prochaine traducteur. For Paul, his greatest joy was to see people living a life in truth. Et donc pour Paul, cette joie venait de voir que ces gens vivaient dans une vie d'amour et de vérité. They are living through challenging times. Donc ils vivaient des périodes défiantes. It was illegal to be a Christian. C'est parce que c'était illégal d'être chrétien. Paul was having a difficult time. Donc Paul avait vraiment des temps difficiles. But there was a strong connection between them. Mais il y avait une connexion tellement forte entre eux. What do you think will make this church strong? Qu'est-ce que vous pensez à votre avis qui ferait que l'église serait forte? What do you think will keep our relationships together when times get difficult? Qu'est-ce qui peut rendre nos relations fortes, nos connaissances fortes dans les temps difficiles? It's not just a meal shared together. C'est pas juste un repas partagé. Or a social event at the beach. Ou un événement à la plage. What will keep us together is our ability to partner together. Ce qui rend nos connexions plus fortes, c'est notre capacité à être partenaires ensemble. To encourage one another. De nous encourager les uns les autres. To share when things are good and when things are bad. De partager quand les choses sont bonnes ou mauvaises. To encourage each other to obedience. De nous encourager mutuellement à l'obéissance. To disciple one another. De le fait d'être en discipulat l'un envers l'autre. To inspire each other. D'inspirer les autres. To support each other. De nous soutenir les uns les autres. That is what makes us strong. Et ça, c'est ce qui nous rend plus forts. That is what will bring us joy. Et ça, c'est ce qui va nous apporter de la joie. No amount of antidepressants will take away an emptiness inside of you. C'est pas une quantité d'antidépresseurs qui va combler le vide qu'on a. And I'm not against antidepressants. Donc je suis pas contre les antidépresseurs. I've been on antidepressants. J'ai été moi-même sur des antidépresseurs. For 2 years. Pendant 2 ans. And I needed it at that stage in my life. J'en avais besoin à cette époque, à cette saison de vie. I'm not judging any of you if you are taking antidepressants. Et donc je ne juge personne et aucun d'entre vous si en ce moment vous prenez un antidépresseur. But for most of us, it's not a long-term solution. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas une solution qui dure sur le long terme. COVID was exceptionally difficult for me. La gestion du COVID a été extrêmement compliquée pour moi. I lost 3 close family members in the first 3 months of COVID. Donc durant les 3 premiers mois du Covid et du confinement, j'ai perdu 3 membres de ma famille. And I was alone at home. Et j'étais seule à la maison. We couldn't go to the funerals. On ne pouvait pas aller aux funérailles. And I had serious psychological problems. Et donc j'avais des sérieux problèmes psychologiques. And I needed help. Et j'avais besoin d'aide. And I got help. Et j'ai eu de l'aide. I got help from a psychologist. J'ai eu de l'aide d'une psychologue. But what got me through were the relationships in this church. Mais ce qui m'a fait vraiment traverser, c'est vraiment les relations que j'avais avec les gens de l'église. My relationship with my wife. Ma relation avec ma femme. My relationship with my children. Mes relations avec mes enfants. That is what keeps us together in the strong times. Et ça, c'est ce qui nous garde ensemble dans les temps difficiles. So we're going to finish our passage of scripture by reading this. Et donc, nous allons terminer en lisant ce dernier passage. Paul finishes this passage and he says, It is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Et donc Paul finit sa lettre en disant, Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincère et irréprochable pour le jour du Christ, et que vous soyez rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul says, let love abound. Et Paul dit, laissez l'amour surabonder. But he says, let love abound. Donc il dit, laissez l'amour surabonder. And then with knowledge and discernment. Mais aussi avec la connaissance et du discernement. There is this rule in the kingdom of God. Il y a cette règle dans le royaume de Dieu. That God's reward for commitment is intimacy. Que la récompense de Dieu pour for commitment. Pour la soumission, commitment, engagement, engagement. Is intimacy. C'est l'intimité. We see that in God's rules for marriage. Donc on voit cette règle dans le cadre du mariage. That you have sexual intimacy once there is already a commitment. Que vous avez cette intimité sexuelle lorsqu'il y a un engagement. You have to have commitment before you can have intimacy. Vous devez avoir d'abord cet engagement avant d'avoir cette intimité. If you want to be more intimate with God, there needs to be a commitment to God. Et donc si vous voulez être plus intime avec Dieu, vous devez avoir cet engagement plus fort avec Dieu. There is a limit to the relationship that you can have with God until you make the commitment. Et donc il y a une limite au niveau de la relation avec Dieu jusqu'à ce que vous fassiez cet engagement ensemble. There is a limit to the relationships you can have with people in the church until you make a commitment. Et donc il y a une limite au niveau de la relation avec les gens d'église jusqu'à ce qu'il y ait un engagement. Intimacy, love and knowledge are all mixed up. L'intimité, l'amour et la connaissance vont ensemble. You can't separate one from the other. Et vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Do you know Jesus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Have you met Jesus? Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Do you have a relationship with Jesus? Est-ce que vous avez une relation avec Jésus? It says we need to be pure and blameless. Donc ça dit que nous devons être purs et sans reproche. Can you hear me at the back still? Jenny, can you hear me? It's okay, I'm almost finished. It's okay, we can change the batteries next time. It's only Jesus that makes us pure and blameless. Et donc c'est seulement Jésus qui peut nous rendre purs et irréprochables. It's all through Jesus Christ. C'est seulement à travers Jésus. And all for the glory of God. Et tout pour la gloire de Dieu. That's what Paul says. C'est ce que Paul a dit. Paul says, well done. Paul a dit, bravo. I'm saying to you today, well done. Et je vous dis également bravo. But there is more that you can do. Mais il y a plus que vous puissiez there faire. There is more love. Plus d'amour. More knowledge. Plus de connaissances. More intimacy. Plus d'intimité. But that comes through partnership. Mais ça vient avec un partenariat. God wants to partner with you. Et Dieu veut être en partenariat avec vous. And God wants us to partner with each other. Et Dieu veut que nous soyons partenaires les uns avec les autres. Last week I said, God is calling you home. Et la semaine dernière j'ai dit, mais Dieu vous rappelle à la maison. God wants you close to Him. Et Dieu veut que vous soyez plus proche de lui. And when you are close, et quand vous êtes plus proche, he wants to work with you. Il veut œuvrer avec vous. He wants us to work with each other. Il veut œuvrer avec chacun de vous. Will you partner with God today? Est-ce que vous voulez être partenaire avec Dieu aujourd'hui? Can we partner with each other today? Et est-ce qu'on peut être partenaire ensemble aujourd'hui? Through mutual love, à travers un amour mutuel, and through commitment, et à travers l'engagement. Let's pray. On va prier. I'm going to just put some music in the background. Je vais juste mettre une musique en fond. Because we have some children at the back, which we're so happy to have. Parce qu'on a des enfants au fond, mais qu'on est heureux de les avoir. It's just that sometimes we need something to help us focus. Mais là, on a besoin d'être un peu plus focalisé. And I want you to just think about what I've said. Et donc, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à ce que je viens de dire. And ask the question, where is my relationship with God? Et posez-vous la question, où j'en suis de ma relation avec Dieu? And where is my relationship with others in this church? Et où en est ma relation avec les autres au niveau de l'église? Can I genuinely say that I'm partnering with this church and with other people in this church? Est-ce que je peux vraiment dire que je suis partenaire avec les gens de l'église, de cette église? So close your eyes and we're going to just take a moment of reflection. Fermez les yeux, nous allons prendre un moment pour réfléchir à cela. Mm-hmm.